l'histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours de la 9e émission, nous avons vu comment la socio-économie canadienne entre dans une période difficile, une période de ralentissement économique dans les années 1820. C'est en grande partie un effet d'écho de la dépression économique qui affecte le commerce mondial dans l'après des guerres européennes et de la guerre de 1812. L'État aurait peut-être pu intervenir pour corriger la situation, surtout que, après l'ouverture du canal Érié en 1825, c'est tout le programme de développement économique des marchands du Saint-Laurent qui est remis en question, un programme fondé sur le transit de toute la production de l'arrière-pays via Montréal. Le canal Érié, qui relie le lac Érié à la rivière Hudson et de là vers New York, risque en fait de détourner tout le commerce de l'Ouest vers New York. Mais l'État ne peut pas agir parce qu'il est divisé quant au programme de développement économique qu'il faut encourager, celui que défendent les marchands, les grands marchands, ou cet autre programme plus auto-centré que défendent les producteurs locaux et les patriotes à la Chambre d'Assemblée. Aujourd'hui, nous verrons comment la situation va devoir bien empirer dans les années 1830 avant que le gouvernement impérial n'intervienne pour trancher la question. Comme le rappelle souvent Albert Fauché, une économie n'est jamais entièrement issue du territoire. Elle est pour une bonne part projetée de l'extérieur dans le territoire. Ce sont ces forces de l'extérieur qui expliquent les tendances pour l'économie à se localiser dans certaines portions du territoire et qui expliquent la plus grande probabilité que certains projets réussissent parce qu'ils sont supportés, adoptés de l'extérieur. Pour le Canada des années 1830, l'extérieur, c'est d'abord et avant tout l'Empire britannique, encore que le poids des États-Unis commence à se faire sentir, tant par les marchés qu'ils ouvrent que par la concurrence qu'ils engendrent pour les entrepreneurs canadiens. Dans les années 1820, le ministre au commerce en Angleterre, William Huskisson, a lancé toute une série de réformes dans le sens d'une déréglementation du commerce des colonies. Mais malheureusement, ces réformes vont être suivies, sans qu'il y ait relation de cause à effet, par une récession importante, une crise financière, qui dès la fin de 1825 et jusqu'en 1827 va entraîner la faillite de nombre de maisons de commerce et de banques même à Londres. Cette récession et la panique financière qui l'accompagne sont bien davantage le résultat de spéculations effrénées et de certaines faiblesses du système financier et bancaire anglais. Mais il va évidemment s'en trouver pour l'expliquer par ces nouvelles politiques de libre commerce. D'autant plus qu'il y a un renouveau de l'intérêt du public et des parlementaires anglais pour les colonies. C'est une période où l'Angleterre connaît un taux d'accroissement démographique sans précédent et où l'industrie anglaise ne peut entièrement absorber les surplus de travailleurs ruraux rabattus vers les villes par la réforme agraire. À mesure que ce surplus de population se développe, et que les charges sociales de cette population se font de plus en plus lourdes à cause des poor law, une sorte de programme de subvention salaire introduite à la fin du 18e siècle, eh bien, théoriciens, bureaucrates, politiciens et même le public vont en arriver à croire que la solution, c'est l'émigration des Britanniques vers les colonies. Jusqu'en 1825, l'émigration vers le Canada est importante, mais dans les années 1830, ce sera l'exode massif. Le nombre de Britanniques installés dans les colonies augmente et le Colonial Office supporte même, à partir de 1831, l'idée d'une assistance financière limitée pour aider les Britanniques à émigrer, tout au moins vers les coins les plus éloignés de l'Empire. Voilà qui explique que l'on marque un temps d'arrêt dans la dérive vers le libre-échangisme, dans le démantèlement du vieux système colonial anglais. Dans les années 1830, on voit donc le gouvernement britannique tiraillé entre deux perspectives, dans son analyse coût-bénéfice du système colonial. D'une part, les intérêts manufacturiers, conscients de leur capacité à concurrencer partout et à produire à moindre coût, poussent le gouvernement britannique à abolir toute restriction au commerce. Ce serait, disent-ils, la meilleure façon de se donner accès à tout produit au prix le plus bas et de répandre les produits anglais de par le monde, le meilleur moyen donc d'assurer la prospérité britannique. D'autre part, pour d'autres plus traditionalistes, comme les grands propriétaires fonciers, que menacent le libre-échange et la concurrence des produits étrangers, il vaut mieux préserver à la périphérie de la petite Angleterre une plus grande Angleterre, un empire qui reste non seulement le marché captif des produits britanniques et de sa marine marchande, mais qui peut servir aussi d'exutoire pour son surplus de population. Un compromis malaisé, inconfortable, va émerger. Un compromis qu'on va appeler « impérialisme libéral », compromis qui fait qu'on relâche plus lentement que certains le voudraient le système mercantiliste, que le gouvernement impérial même finance des travaux publics, des travaux d'infrastructure dans les colonies, pour aider à y attirer les immigrants, pour aider à y transplanter une portion de la population britannique. Cet impérialisme libéral ne va satisfaire personne. L'incertitude se faisait plus grande, le support impérial plus volatile, sans oublier les inconvénients sérieux engendrés au Canada par l'immigration massive qui apporte avec elle la maladie dans les colonies. 1832, c'est la sérieuse épidémie de choléra qui fait plus de 7000 victimes au Canada. Tout cela d'ailleurs se passe dans une décennie qui va être marquée, après une courte reprise économique au tournant des années 1830, marquée par une longue récession depuis 1833 jusqu'aux insurrections, et puis aussi par des difficultés économiques spéciales dans le Bas-Canada. Paul-André Linteau est un historien à l'Université du Québec à Montréal, historien qui s'est spécialisé dans l'histoire du Bas-Canada et du Québec. Ce qui est certain, c'est que le monde agricole québécois connaît des difficultés très sérieuses qui s'amorcent depuis déjà un bon moment. Il est évident que dans les années 30, elle a atteint un point culminant et c'est certainement un facteur important des difficultés économiques du Québec à ce moment-là. Les agriculteurs québécois sont de moins en moins compétitifs et de moins en moins en mesure de vendre des surplus sur le marché britannique et se tournent de plus en plus vers une agriculture plus autarcique. Mais la crise économique générale de la fin des années 30, qui frappe aussi aux États-Unis, ralentit bien sûr l'ensemble des activités économiques, touche les commerçants montréalais. Et c'est là que les débats politiques autour des politiques économiques commencent à prendre de leur importance. Les marchands montréalais vont vouloir de plus en plus des politiques économiques qui vont améliorer leur situation et leur permettre de sortir de cet état de crise. Alors pour eux, ils veulent pouvoir mieux lutter avec New York, obtenir une plus grande part du commerce de l'Amérique du Nord vers la Grande-Bretagne. Ça signifie ouvrir de nouveaux canaux, investir dans l'infrastructure. Et la bourgeoisie canadienne-française a des réticences de ce côté-là, parce qu'elle sent bien que ça va surtout profiter à la bourgeoisie anglophone, parce que les canaux, c'est pour aller vers l'Ontario. Le commerce de l'Ontario, il est monopolisé par cette bourgeoisie anglophone de Montréal. Alors, tout le débat politique qui précède les rébellions de 1837-38 a aussi des enjeux économiques. Les intérêts économiques de la bourgeoisie francophone et de la bourgeoisie anglophone ne sont pas les mêmes, et les francophones sont peu empressés de voter de grosses dépenses publiques dont ils vont payer une partie pour favoriser les intérêts économiques de cette bourgeoisie anglophone. Certains historiens y ajoutent des explications liées aux mentalités. C'est l'interprétation d'un Fernand Ouellet qui met beaucoup l'accent sur une certaine résistance qu'auraient les dirigeants politiques canadiens-français face aux transformations nécessaires d'un système qui devient de plus en plus capitaliste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette question doit être encore beaucoup plus creusée. Et les informations que nous avons jusqu'à maintenant, à mon avis, ne permettent pas d'affirmer aussi péremptoirement que les mentalités représentent le facteur déterminant dans ce contexte-là. Ce qui va donner une saveur particulièrement amère aux années 1830 dans la socio-économie bas-canadienne, c'est que vont s'y combiner les difficultés économiques en Europe et aux États-Unis, difficultés exogènes, avec une détérioration importante de l'agriculture, nous disait M. Linteau. les terres dans les seigneuries les plus recherchées, les plus proches des villes, les terres les plus aptes à la culture, elles sont toutes occupées. Et puis, les terres de la couronne, le gouvernement britannique refuse de les concéder selon l'ancienne méthode du régime seigneurial. Pourtant, un comité de la Chambre d'Assemblée avait, en 1821, déclaré que cette façon de concéder des terres offrait certains avantages. Le colon n'ayant à débourser aucune somme d'argent pour sa terre, le capital qu'il possède pourra être employé entièrement à améliorer sa ferme. Les habitants veulent des seigneuries additionnelles. Vers 1830, comme l'écrit Maurice Séguin, un lot de grandeur moyenne se vendait une centaine de piastres dans les townships, dans les cantons, où la terre se vendait sur le marché libre, ce que peu de fils de cultivateurs pouvaient payer. Voilà pourquoi ils désiraient obtenir un lot contre de modiques rentes seigneuriales, payables souvent en nature ou en travail. Ceux qui veulent l'abolition du régime seigneurial, ou qui du moins le réclament à plus haut cri, ce sont, dira Maurice Séguin, les seigneurs britanniques, aux seigneuries peu peuplées, qui deviendraient alors propriétaires absolus de vastes domaines à fort bon compte. Il existe aussi des désavantages au système seigneurial. C'est un régime où les droits de propriété privée sont partiels, atténués, ce qui rend le prêt hypothécaire compliqué et qui retarde l'investissement, parce que justement, le droit de propriété privée n'est pas exclusif. Or, seulement les droits exclusifs peuvent être facilement mis en marché, transigés sur le marché libre, être l'objet de revente après amélioration. Le régime seigneurial a donc des avantages et des coûts, mais on ne peut pas attribuer la situation difficile de l'agriculture bas-canadienne au régime seigneurial, comme certains l'ont fait. John McCallum de l'Université Simon Fraser a étudié les agricultures comparées du Bas-Canada, du Haut-Canada et du Nord des États-Unis pour cette période. Je lui ai demandé à quoi on pouvait attribuer les difficultés particulières de l'agriculture bas-canadienne. Il y a une interprétation associée du nom de professeur Ouellette, surtout, qui met l'accent sur les techniques agricoles des habitants et le conservatisme des habitants, et qui attribue la crise à ces défaillances, ces faiblesses de la population québécoise. Mais ce que je constate, c'est que l'explication fondamentale se trouve dans les facteurs géographiques et économiques. L'habitant québécois se trouvait dans le pire des deux mondes. Il n'avait pas le blé comme le fermier ontarien. En raison du mouvement continental du blé à l'ouest. Et aussi, j'ai fait une comparaison entre l'habitant québécois et le fermier du nord-est des États-Unis. Et on trouve que le fermier du nord-est des États-Unis, le blé a échoué là aussi. Et le fermier des États-Unis avait un marché beaucoup plus fort et beaucoup plus croissant que le marché du fermier québécois, parce que l'industrialisation fait beaucoup plus de progrès dans le nord-est des États-Unis qu'au Québec. Mais néanmoins, en dépit de cette supériorité ou ces avantages pour le fermier américain, on trouve que les fermiers du nord-est des États-Unis, beaucoup de ces fermiers ne pouvaient pas rester dans l'agriculture. Ils sont allés à l'ouest des États-Unis ou ils sont allés dans les villes manufacturières. Mais il y avait une dépopulation agricole dans les États-Unis, en dépit du fait que les conditions là, dans les États-Unis, étaient beaucoup plus favorables que les conditions au Québec. Donc, ce que je dis, c'est que si on regarde la situation économique objective du fermier québécois, de l'habitant québécois, on peut voir, en comparaison avec l'Ontario, en comparaison avec les États-Unis, on peut voir que sa situation objective était affreuse et ses options étaient très limitées. Donc, M. McCallum, on n'aurait pas besoin d'avoir recours à des explications de l'infériorité de la performance des agriculteurs du Québec en ayant recours à une sorte de postulat qu'ils étaient conservateurs ou que leur mentalité était retardée. Oui, pour moi, ces facteurs sont plutôt les conséquences de la mauvaise situation économique, plutôt la conséquence que la cause. Ce qui fait que le Québec se trouve avec un marché très restreint, une population agricole qui ne pourra pas fournir des villes qui sont peu nombreuses, on a quelques grandes villes seulement, il resterait aux Québécois à partir, et on sait qu'ils sont partis en très grand nombre pour les États-Unis. Est-ce que cela n'aurait pas dû suffire à rétablir l'équilibre entre ce marché local plus petit et une population agricole croissante? Il y avait beaucoup d'immigration et la surpopulation agricole était réduite en partie par l'immigration. Mais je crois que l'immigration était une partie de la crise parce que pour le Québec, c'était une crise si le Québec perd sa population. En comparaison, pour les gens de New England, ce n'était pas tellement une crise, c'était une aventure d'aller à l'Ouest, de trouver sa fortune. Et je crois que là, les facteurs sociaux étaient peut-être importants en limitant l'immigration du Québec. Comme le soulignait M. McCallum, il y a eu émigration de Bas-Canadiens vers les États-Unis déjà dans les années 1830. Bien que nous ne possédions que des évaluations partielles, on peut dire que peut-être une dizaine de milliers de Québécois sont partis pour les États-Unis. Et ce phénomène d'émigration des Québécois ne fait que s'amorcer. Il prendra, on le verra, beaucoup d'amplitude dans les décennies suivantes. Ce qui rend peut-être le départ plus coûteux, ce n'est pas seulement les facteurs sociaux, encore qu'ils ont évidemment pu jouer. C'est peut-être aussi que le mode de production du petit producteur dans lequel s'était cantonné le groupe francophone après la conquête et sur lequel le Parti patriote voulait ériger sa stratégie autocentrée de développement économique, eh bien que ce mode de production basé sur le régime seigneurial n'était peut-être pas aussi contraignant, aussi lourd qu'on a voulu le faire croire. Pour Denis Monnière, de l'Université du Québec à Montréal, le fait que les patriotes comme Louis-Joseph Papineau défendaient le régime seigneurial, cela s'inscrit dans sa stratégie de développement économique à partir du mode de production du petit producteur. Ça explique aussi, par exemple, certaines bizarreries. Entre autres, les patriotes, en 1837, défendaient le régime seigneurial. Ils avaient des valeurs démocratiques, défendaient le parlementarisme, la nécessité du gouvernement responsable. Ils avaient une idéologie républicaine et défendait le régime seigneurial. C'était bizarre. Personne ne comprenait trop pourquoi, par exemple, Papineau était attaché à ce régime seigneurial. Mais c'est parce que ce régime seigneurial n'avait pas les dimensions contraignantes, répressives, tyranniques, paternalistes que ceux qui existaient dans les autres pays à l'époque féodale. Alors, il y avait donc, comme c'était un mode de production des petits producteurs qui n'avait qu'une pellicule féodaliste, on peut comprendre que les gens étaient attachés à ce type de relation sociale. Au Canada, on estime que seul le développement économique extraverti est valable. C'est-à-dire, on dépend toujours des marchés extérieurs pour réaliser la croissance économique. Alors que les patriotes avaient un projet économique qui allait à l'encontre de cette stratégie de développement parce qu'eux considéraient que le développement économique devait être auto-centré à partir des ressources, des richesses contrôlées par les Québécois. Alors ça aussi, je pense que c'est une vision, une conception qui est reliée à la présence d'un mode de production des petits producteurs dans la société canadienne-française. Parce que c'est cette idée qu'on doit construire notre économie à partir des ressources qu'on peut contrôler et qu'il ne faut pas être dépendant des marchés extérieurs pour notre développement. Mais qu'on veuille ou non bâtir son développement économique sur les marchés extérieurs, le monde extérieur va avoir un impact important sur une socio-économie petite, ouverte, comme les colonies canadiennes. Les années 1830 seront des années difficiles, des années de crise en Europe, de crise aux États-Unis, de crise dans le marché atlantique. J'ai demandé à Alfred Dubuc, économiste historien à l'Université du Québec à Montréal, si on pouvait parler de crise économique au Canada dans les années 1830. Si vous parlez d'une crise conjoncturelle de nature financière, il y en a une en 1837, relativement importante en Europe, mais très forte aux États-Unis. c'est tout le système de canalisation aux États-Unis, tous les fonds qui ont été investis, d'ailleurs là aussi avec beaucoup de gaspillage dans les canaux. Pensez à ces canaux qui sautent et les Appalaches aux États-Unis, le long de toute la côte, vers les plaines, vers le Mississippi. Eh bien, vous avez une crise financière parce qu'il y a eu surinvestissement, gaspillage, etc. Et d'ailleurs, 1837 marque la fin des investissements dans les canaux aux États-Unis. Il y a crise financière et crise financière qui se répercute au Canada. C'est bien sûr. Il y a arrêt de la convertibilité des monnaies en 1837, puis de nouveau en 1838 au moment où vont éclater les affrontements de la deuxième étape de la rébellion. Il y a crise financière, dans ce sens, oui. Est-ce qu'il y a crise économique dans un autre sens? Est-ce qu'il y a crise des structures économiques? Est-ce qu'il y a crise des politiques économiques? Comme le suggérait le rapport Durham. Oui, il y a toutes sortes d'éléments de crise dans cette société, bien sûr, à cette époque. Et vous avez un empire qui freine le développement de l'industrie. Vous avez un groupe social qui se définit ethniquement et qui est en train de prendre le pouvoir et qui a le pouvoir, le groupe des grands marchands. Parce que entre la fin du 18e et les rébellions, le pacte aristocratique s'est dissous singulièrement et ce sont les marchands qui prennent le pouvoir. Et les nouveaux gouverneurs vont accorder davantage de pouvoir aux marchands qu'ils ne l'avaient fait jusqu'alors. Et ce sont les marchands qui vont être appelés à siéger au conseil du gouverneur, conseil exécutif, et qui vont être appelés aussi à siéger au conseil législatif. Bon, vous avez cette classe de marchands qui veut vivre à l'intérieur de l'Empire britannique, dont le grand commerce vit de l'Empire britannique, et vous avez une classe nouvelle, bourgeoise, une bourgeoisie nouvelle, autant au Haut-Canada qu'au Bas-Canada, et qui veut prendre en main l'administration économique et politique de cette colonie. Et puisqu'on la lui refuse, alors ils veulent la prendre de force, et déclarer même l'indépendance, finalement. Eh bien, il y a la crise économique, dans la mesure où vous avez un mode de répartition des terres qui est purement un mode de privilège, de répartition par privilège entre les amis du pouvoir. Et vous avez une classe de paysans appuyée par une classe de professionnels qui dit « nous voulons un mode plus rationnel d'allocation des terres ». Vous ne favorisez pas le développement de l'industrie, vous grands marchands. Nous voulons un développement autonome de l'industrie autochtone. Il y a là des problèmes économiques. Bon, crise à ce moment-là ne signifie pas la même chose que la crise dont on parlait tout à l'heure, une crise de court terme, mais il y a certainement crise des structures, crise des institutions. Cette vaste crise économique dans le monde atlantique, elle ne va pas seulement toucher le Bas-Canada. C'est toute l'économie canadienne qui vacille, qui réagit aussi à peu près en même temps, mais avec des intensités moindres, au même malaise. Les chocs exogènes sont importants et ont souvent des origines complexes. Par exemple, l'influx d'argent mexicain aux États-Unis, argent dont les États-Unis avaient l'habitude de se servir pour payer le déficit de leur balance commerciale avec la Chine, eh bien, cet influx reste aux États-Unis quand le déficit chinois commence d'être payé par lettre de change, ce qui entraîne l'inflation galopante. D'autant plus que les États-Unis importent des sommes importantes de capitaux en même temps de la Grande-Bretagne. Ces devises et l'expansion de crédit qu'elles ont fondée devaient rendre l'économie américaine vulnérable aux conjonctures mondiales, à une baisse de prix du coton, une de ses exportations importantes, et aux hésitations des banquiers anglais tentant de ralentir le flux de capital vers les États-Unis. Les colonies canadiennes devaient subir le contre-coup de ces phénomènes américains d'autant plus fortement que dans l'après 1835, le marché américain pour le bois, pour la farine et pour autres produits canadiens devient important. Mais il y a aussi des facteurs internes aux colonies canadiennes, facteurs dont on retrouve des versions différentes mais parentes au Nouveau-Brunswick, au Bas-Canada et au Haut-Canada. Même conflit entre l'exécutif et les grands marchands au Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Conflit dans le Haut-Canada entre l'exécutif et les marchands ayant leur base d'opération à Montréal d'une part et les intérêts agricoles et leurs alliés, les marchands opérant à partir de New York d'autre part. Dans toutes les colonies, un État divisé, tiraillé, qui cherche des compromis au lieu de supporter une stratégie de développement bien définie. Foster Grzyk est historien à l'Université Carleton et connaît bien le cas du Haut-Canada. Le fermier d'Haut-Canada n'est pas du tout content avec la façon qu'ils sont traités par les gens comme Richardson. Parce que cette concurrence, ils sont vraiment dans un rôle secondaire. Et puis, ils doivent vendre le blé à le même prix des Américains. Même si ce blé, peut-être, va être moins cher de produire que le blé canadien. Et ça, c'est pourquoi il y avait vraiment une différence de classe qui commence à arriver à ce moment-là. Donc, les deux parties en présence en 1837 dans le Haut-Canada, c'est d'une part un groupe de marchands qui veulent des canaux, qui veulent des banques, et d'autre part un groupe de fermiers qui ne veulent pas de canaux et qui ne veulent pas de banques. Oui. Il me semble donc que c'est un peu le même conflit qu'on a dans le Bas-Canada. Dans une façon, oui, sauf que la chose qui en manque en Haut-Canada, c'est la question de race. Ce n'est pas aussi grave que dans le Bas-Canada. Je suis sûr, et ça c'est pourquoi il n'y avait pas beaucoup qui sont prêts vraiment de participer et appuyer Mackenzie dans cette rébellion. Néanmoins, vous avez les gens qui ne font pas partie de le groupe qui contrôle la banque, qui demandent l'aide impériale financière pour établir une autre banque, parce qu'il y a seulement une banque en Haut-Canada. Et cette banque, c'est vraiment contrôlé par ces gens qui s'appellent le Family Compact. Ce Family Compact, ça comprenait un nombre de familles, d'hommes d'affaires. C'était combien de gens en tout, le Family Compact? Très, très petit nombre, moins que 50. Mais ces gens-là contrôlent vraiment la politique, le monde politique, le monde économique et le monde financier aussi. Et aussi, dans une autre façon, le monde d'éducation, le monde social, presque partout. Vous nous montrez un peu ce qui est l'élite du temps, l'élite de Haut-Canada. Est-ce que, donc, la rébellion de 1837 dans le Haut-Canada, c'était une révolution des cultivateurs et des fermiers contre une élite commerciale? Oui, exactement. Je pense que la meilleure façon de regarder cette lutte-là, le fermier, il sent vraiment d'extérieur de tout le pouvoir. Il n'y a pas de moyen d'améliorer leurs conditions. Et la situation est devenue assez grave. Parce que pendant les années 30, une crise économique international. Et bon, ça arrive au Canada pas exactement le même temps que ça arrive dans le monde international, mais ça arrive au Canada Pas exactement le même temps que ça arrive dans le monde international, mais à peu près un an après, ça commence entre 1835-36, en 37, c'est assez sévère. Et vous avez le fermier qui a déjà les dettes qu'il ne peut pas payer, et la banque, il ne veut pas donner le crédit non plus. C'est pourquoi il a demandé l'aide du gouvernement impérial. Pourquoi M. Grzyk demandait l'aide du gouvernement impérial quand on a sa chambre d'assemblée? Puisque, en fait, dans le Haut-Canada, comme dans le Bas-Canada, on a un sens d'éligibilité qui est très bas, et donc, à peu près tout le monde peut voter. Donc, la majorité des fermiers dans le Haut-Canada contrôlent la chambre d'assemblée. Pourquoi ne pas se voter eux-mêmes des lois qui vont leur donner ce qu'ils désirent? Même s'il y avait le contrôle, c'est presque la même chose avec le Bas-Canada. Et bien entendu, il peut passer la loi, mais l'exécutif peut dire non, on ne peut pas passer cette loi parce que c'est contre notre intérêt. Et puis le gouverneur aussi peut appuyer son exécutif. Et puis les gens sont vraiment frustrés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La seule chose qu'il peut faire est de demander le gouvernement britannique pour changer la situation, pour améliorer la situation. Quand ça n'arrive pas, et il semble que avec le 10 résolution de Lord John Russell en 35-36, il n'y avait pas un moyen de changer de choses. Quelles sont ces résolutions de Russell, M. Grzyk? La résolution de Russell, ensemble, c'est seulement que le Parlement britannique a rejeté le 92 résolution de Mackenzie et le 96 résolution de Papineau. Et ça, c'est seulement une liste de griefs que les gens sont présentés à l'Assemblée de Haut-Canada et Bas-Canada, et puis ils sont envoyés à Angleterre. Et il a demandé un grand changement, de faire le monde plus démocratique, pour donner un plus grand contrôle de leur économie. Et M. Russell, il lui dit, non, on ne peut pas, parce que ça, c'est le commencement de détruire notre empire. Il y avait toujours la peur que le Canada peut choisir l'indépendance. Parce qu'il y avait dans les résolutions de Mackenzie et Papineau vraiment les résolutions qui sont démocratiques, qui viennent de l'Amérique, démocratie de Jackson. Et on n'est peut-être pas prêt de l'accepter ça parce qu'il a déjà un mauvais goût. Il a déjà goûté la révolution américaine. Puis, on n'était pas prêt d'accepter une situation comme celui-là. Dans le Bas-Canada, les conflits sont plus visibles, plus profonds encore, et au centre de ces débats, on trouve le personnage complexe de Louis-Joseph Papineau, personnage plus complexe, dit-on, que William Lyon Mackenzie dans le Haut-Canada ou que Joseph Howe dans les Maritimes. C'est un personnage que peu d'historiens ont analysé avec autant d'intérêt que le professeur Fernand Ouellet de l'Université d'Ottawa. Monsieur Ouellet a une interprétation particulière de Louis-Joseph Papineau. Pour lui, Papineau n'est pas l'auteur d'une stratégie de développement économique différent, auto-centré, qui accommode le régime seigneurial, ce n'est pas non plus un vrai démocrate. Papineau, selon le professeur Ouellet, est un être divisé. Quand vous lisez un des documents que j'ai publié, je pense que c'est un document qui est capital, c'est la Déclaration de l'indépendance de 1838 qui a été préparée par le groupe radical dans le Parti patriote, par Côté, Nelson, etc. Mais Papineau, dans ce document, vous avez des choses qui sont soulignées. Et une des choses qui est soulignée, avec commentaire, c'est marqué, c'est la question seigneuriale, l'abolition des droits seigneuriaux. Et Papineau va dire, on n'a pas plus le droit de voler un seigneur qu'un autre. Et en 37, après la première insurrection, le conflit ouvert qui se déclenche, disons, entre les éléments de gauche et Papineau, dans le Parti patriote, après la première faillite, qu'est-ce que c'est? C'est sur la question du droit féodal, c'est-à-dire du régime seigneurial, et sur la question du droit civil français, c'est-à-dire de la coutume de Paris, c'est-à-dire du droit d'ancien régime et de la seigneurie. Vous voyez, c'est une première facette qu'on trouve de Papineau. La seconde facette, eh bien, c'est l'homme qui a eu une rhétorique libérale et démocratique, qui a eu d'abord une rhétorique libérale, de caractère libéral, sur le plan politique, je dis, réformiste. disons, entre 1815, au moment où il va devenir l'orateur de la Chambre d'Assemblée et le chef du parti, eh bien, c'est une rhétorique réformiste et qui est fondée sur la lutte pour le contrôle de la liste civile. Il ne va même pas, comprenez-vous, jusqu'où Bédard était allé, c'est-à-dire à revendiquer ouvertement la responsabilité ministérielle, hein, ce qui n'aurait pas été encore là révolutionnaire, mais il reste à un niveau, disons, de réforme politique. C'est un libéralisme politique qui vise un partage du pouvoir entre les francophones et les anglophones. C'est ça, au fond. Le contrôle de la liste civile, qu'est-ce que ça tend à créer? Ça tend à créer une pression qui va établir ce partage du pouvoir entre les anglophones et les francophones. À partir de 1830, là, on observe une radicalisation dans son nationalisme. Pourquoi, M. Ouellet? Alors, à ce moment-là, Papineau s'est rendu compte que, véritablement, l'objectif à développer, à mettre en avant, c'était une prise complète du pouvoir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va avoir toute une pensée qui va être démocratique. En ce sens que, il va dire, par exemple, il faut appliquer le principe électif à tous les niveaux où s'exerce le pouvoir. Voyez la rhétorique démocratique. Alors, et en particulier, après un certain nombre d'années, comme on dit, c'est une stratégie qui est très bien planifiée, il va dire qu'il faut l'élection du Conseil législatif. Et Papineau est convaincu, en 1830, son pouvoir est bien établi. Il n'y a pas de problème du côté du contrôle de la Chambre d'Assemblée. Il y a une majorité absolument extraordinaire. Il y a une deuxième chose qui dit, bon, si on a l'élection du Conseil législatif, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les mêmes électeurs qui vont élire les conseillers législatifs. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va être les mêmes groupes qui vont prendre le pouvoir, c'est-à-dire le Parti patriote va contrôler le Conseil législatif. Mais il dit, il faut appliquer ce principe électif à tous les niveaux où s'exerce le pouvoir. Prenez par exemple les juges de paix dans les campagnes. Il dit, ils doivent être élus. Pas par n'importe qui, pas par les gens du peuple, mais par les propriétaires. Hein. Son système, c'est par les propriétaires. Alors, s'ils sont élus, les juges de paix dans les campagnes, ils vont être élus encore là, par les groupes qui élisent la Chambre d'Assemblée et le Conseil législatif. Le maire de Québec et le maire de Montréal, c'est son projet, il doit être élu, comme on est vous, encore là, selon le principe électif. Ça veut dire que c'est le Parti patriote qui va contrôler. Hein, vous voyez la stratégie politique. La rhétorique, c'est une rhétorique qui suit la stratégie, mais l'objectif fondamental, c'est l'indépendance par des moyens pacifiques. Vous faites une distinction entre la rhétorique de Louis-Joseph Papineau et ses véritables objectifs. Quels étaient ses véritables objectifs? Ses véritables objectifs, c'était l'indépendance. En 1834, au moment où il choisit le thème de l'élection de 1834, il n'aurait pas raconté qu'il veut l'indépendance du Bas-Canada. Les radicaux en Angleterre qui l'appuyaient n'auraient pas été contents. Ils auraient dit, on l'avait bien dit, c'est simplement un nationaliste, c'est pas un démocrate. Mackenzie, dans le Haut-Canada, aurait dit, ben, c'est un dangereux personnage. Et il nous raconte des histoires sur la démocratie, des histoires d'idées libérales, puis en réalité, c'est tout simplement qu'est-ce qu'il veut. Il veut établir l'indépendance du Bas-Canada au profit des seuls Canadiens français. Vous voyez un peu le problème dans lequel il se situe. Tous les éléments dans les villes, il était déjà en train de perdre l'appui des Irlandais, hein, qui avaient appuyé le parti dans les années 1820. Eh bien, qu'est-ce que les Irlandais auraient dit? Ils auraient dit que c'est un parti nationaliste. Et finalement, c'est ça qui va se passer. Ils vont se rendre compte que c'est un parti nationaliste et la polarisation va se faire selon le mode ethnique. Alors, quand il arrive à l'élection de 1834, est-ce qu'il va parler d'indépendance? Non, il parle du principe électif. L'élection du Conseil législatif. Parce que c'était un politicien qui était fait. C'était des gens qui savaient construire des stratégies électorales puis des tactiques électorales. Comment expliquer, M. Ouellet, qu'un tacticien aussi fin sur le plan politique et semblait rejeter toute une série d'efforts pour ajuster économiquement le Bas-Canada au monde moderne qui était en train de grimper, de se faire autour de lui. Ce sont les nécessités de la lutte au niveau des classes, je pense, la lutte de classe puis de la lutte nationale qui l'amène à ça. Parce que, vous savez, quand Papineau demande à Auguste Norbert Morin, qui va en Angleterre comme délégué en 1835, de déclarer devant le comité de la Chambre des communes en Angleterre qu'il faudrait mieux faire disparaître l'économie forestière, non, parce que ça ne profite pas du tout au Bas-Canada, qu'en réalité, il s'agit simplement d'une exploitation superficielle des ressources qui ne profitent pas aux francophones. Bien, vous savez fort bien qu'il y a une part de rhétorique là-dedans, mais que le groupe qui était visé, c'était les marchands de bois. Hein? Et quand il déclare, comprenez-vous, qu'il faut abolir les tarifs préférentiels, et évidemment, il fait des discours à ce moment-là sur la liberté du commerce, sur le libre-échange, hein, parce qu'il va se faire des amis aussi en Angleterre. Tactiquement, c'est bon. Mais en réalité, comprenez-vous, économiquement, il pose un problème, c'est-à-dire qu'il veut détruire un secteur qui certainement avait une importance à l'époque et qui jouait un rôle assez complexe dans l'économie de l'époque. Bien, quand il vise les banques, vous avez seulement à lire ses attaques massives contre ce qu'il appelle l'aristocratie des banques, en particulier en 1834 et en 1835, quand il demande aux gens d'aller retirer leur argent des banques, bien, pour Papineau, politiquement, c'est un instrument, c'est un effort pour abattre la grande bourgeoisie anglophone. Et voyez la Banque du Peuple. Alors, la Banque du Peuple, elle a été établie. La Banque du Peuple s'est créée à quel moment exactement? Elle se crée en 1835 et c'est justement une institution qui est créée comme une sorte de symbole, comme on a vu, de l'entrée en scène des francophones dans le secteur financier, dans le domaine du capitalisme financier. Que Louis-Joseph Papineau ait développé une stratégie de développement économique différente, opposée à celle des grands marchands, ou qu'il ait simplement incarné une défense de l'Ancien Régime sous une pellicule démocratique, voilà une question que nous ne tenterons pas de trancher ici. Il reste que les patriotes, dans leur ensemble, nous le rappelions la dernière fois, ne vont pas être contre tous les canaux, ne vont pas être contre toutes sortes de banques, ne vont pas être contre toute forme de capitalisme. Il semble, comme le suggérait André Garon, que c'est plutôt un capitalisme à leur mesure que les patriotes cherchent, un développement économique différent de celui que commande la stratégie des grands marchands du Saint-Laurent. Cette lutte entre projets de société contrastés va aboutir aux insurrections de 1837-38 dans le Bas-Canada, insurrections dont va sortir la victoire de l'une de ces stratégies de développement économique, celle des grands marchands de Montréal. Fernand Ouellet nous dit ce que sont pour lui les insurrections de 1837-38. Ma vision des insurrections de 1837, qu'est-ce que c'est? C'est, oui, c'est économique, oui, c'est démographique, oui, c'est social, et oui, c'est politique. C'est pas simplement un mouvement politique, c'est un mouvement qui est tout ça en même temps. Et l'objectif fondamental est... L'élément qui, disons, qui colore l'ensemble, c'est un mouvement nationaliste qui a toutes ces dimensions-là derrière lui et dont l'objectif, c'est l'indépendance du Bas-Canada. Maintenant, vous avez deux groupes à l'intérieur de ce mouvement patriote qui vise à l'indépendance du Bas-Canada. Ces deux groupes, c'est le groupe qui est dominé par Papineau, que j'appelle une sorte de groupe de droite ou centre-droite, qui dit, nous, on veut l'indépendance, mais on ne veut pas de changement dans les structures sociales. On veut l'indépendance, nous, mais il faut conserver le régime seigneurial. On veut l'indépendance, nous, mais il faut conserver le vieux droit civil français, la coutume de Paris. On veut l'indépendance, puis on voudrait bien la séparation de l'Église et de l'État, mais comme la religion catholique est une institution aussi nationale traditionnelle, alors, évidemment, on ne peut pas toucher au statut du clergé. Vous voyez, à mon avis, c'est le groupe qui veut l'indépendance mais qui ne veut pas le changement social. Il y a un deuxième groupe, ce que j'appelle la gauche. Et c'est un groupe qui est silencieux avant 1937, parce qu'à mesure que, disons, les événements se déroulent très rapidement, ces gens-là se disent, évidemment, si Papineau pousse vers une radicalisation de l'action, c'est quelque chose qui fait notre affaire. Le jour où la situation sera propice, on va apporter notre message à nous. Notre vision de l'avenir, notre projet, disons, de l'avenir, c'est l'indépendance, mais avec une révolution sociale. C'est le groupe Côté, c'est le groupe des Nelson, c'est le groupe de Giraud, qui est d'origine suisse, c'est le groupe du docteur Chénier, qui est à Saint-Eustache. Alors, c'est un groupe qui rejoint une minorité dans le mouvement patriote. Et dès le moment où les choses sont lancées par les fameuses résolutions Russell, qui nient toutes les demandes essentielles du Parti patriote, mais dans les moments où les choses sont lancées, vous allez voir la gauche qui est très contente et qui se dit « la situation nous est favorable » et qui vont commencer à prêcher non seulement l'indépendance, mais la révolution sociale. Il n'y aura pas, disons, d'affrontement entre ces deux groupes pendant longtemps, parce que pour les deux groupes, la priorité pendant un certain temps, où ils s'entendent sur le fait que la priorité, c'est l'indépendance. Et ce sont des gens qui vont, pendant longtemps, qui vont travailler ensemble, mais à partir d'un compromis de base, disant, bon, en fin de compte, c'est l'indépendance qui est la priorité. Le jour où l'indépendance sera réglée, on va régler nos problèmes idéologiques, nos autres problèmes idéologiques. Alors, c'est ça qui va se produire, c'est que vous aurez, à mesure que se déroule le mouvement, une gauche et une droite. Et après l'échec de la première insurrection, évidemment, il y a un conflit ouvert qui va se dessiner. Mais il y a un conflit ouvert qui va se dessiner, mais qui aboutira jamais à une séparation complète. De sorte que la seconde insurrection, même si les chefs sont des chefs du groupement de gauche, eh bien, ceux qui contrôlent les canaux de communication avec les éléments populaires, c'est encore le groupe Papineau. Vous avez un phénomène qui est absolument intéressant, c'est qu'en réalité, les radicaux pendant la seconde insurrection vont continuer d'utiliser le nom de Papineau, même s'il y a une rupture avec les deux. Et Papineau ne dit pas un mot. Or, il y a une lettre qui est très claire à ce point de vue-là, du beau-frère de Papineau qui écrit à côté, bien, qui dit « Vous pouvez utiliser le nom de M. Papineau et je vous donne l'assurance qu'il n'y aura aucune protestation. » Mais c'est quand même assez intéressant, cette seconde insurrection, c'est qu'il y a une sorte encore là d'accord tacite entre cette gauche et cette droite. Ils se sont rendus compte, eux, qu'il fallait quelqu'un pour personnifier le mouvement révolutionnaire et qu'en fin de compte, ils avaient besoin de Papineau. Finalement, la seconde insurrection, ça va être une reproduction de la première. Parce que la gauche ne parviendra pas réellement à établir les contacts avec la population, puis vraiment à diffuser son message d'une révolution de caractère social. Une insurrection numéro 2 qui va aussi faire faillite. Oui, exactement de la même façon. Pourquoi? À partir de 1832, le Bas-Canada est obligé d'acheter pour sa propre consommation interne 500 000 minots de blé par an, en moyenne. Chaque année, jusqu'aux insurrections. Ça pose un problème. C'est une dépendance qui se crée à l'endroit du Haut-Canada. Mais si le Bas-Canada devient indépendant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le pain, ils vont le payer cher dans les villes. Hein, parce qu'il y a un ravitaillement abondant qui vient du Haut-Canada. Et plus le ravitaillement est abondant, moins le prix du pain va être cher dans les villes de Québec et de Montréal et même dans les campagnes. Alors, dans un certain sens, comprenez-vous que qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, la crise agricole qui est une source de mécontentement, disons, à moyen terme, mais qui, à long terme, établit une dépendance des bas canadiens à l'égard, disons, des ressources agricoles d'un espace économique qui est beaucoup plus vaste. Il y a une sorte de contradiction au niveau des forces économiques qui jouent et qui se répercute au niveau social. Qu'est-ce qui se passe dans les années 1840 lorsqu'on fait la canonisation du Saint-Laurent? Les Bas-Canadiens ne protestent plus. Ils se sont rendus compte maintenant qu'en fait, quand il n'y a plus d'espoir de faire renaître la culture du blé sur le terroir bas-canadien, de la faire renaître pour longtemps et de lui retrouver pour elle le rôle qu'elle avait eu autrefois. Mais ces débats chauds, ces insurrections dans le Canada central ne doivent pas nous faire oublier que très lentement, les jeux sont en train de se faire dans l'Ouest canadien. En 1821, la compagnie de la Baie-d'Hudson devient le grand monopoleur de l'Ouest canadien. Les Métis se répandent dans l'Ouest, mais le développement même autour de la colonie de la Rivière-Rouge, dans les environs du Winnipeg d'aujourd'hui, ne font pas beaucoup de progrès. En fait, la colonie qui avait été créée en 1812 par la générosité stratégique de la compagnie de la Baie-d'Hudson, parce que l'occupation de ce territoire servait bien la compagnie dans sa guerre contre la compagnie du Nord-Ouest, eh bien, cette colonie de la Rivière Rouge est devenue coûteuse, encombrante, après 1821. La compagnie de l'abbé d'Hudson va vouloir encadrer cette petite population largement métisse, va vouloir l'éliminer, cette population locale, de la traite des fourrures, va vouloir lui donner des assises plus stables dans l'agriculture. Antoine Lucier est un spécialiste de l'histoire métisse à l'université de Brandon. Ça commence en 33, 34 ou 35. La date n'est pas fixée, par rapport les historiens ne sont pas d'accord, mais c'est l'année que la compagnie reprend le terrain qu'il avait donné, disons, à Selkirk. Et puis c'est après ce temps-là que la compagnie met ses pieds sur terre encore et puis passe des lois dans lesquelles ça affecte tous les métisses qui font la traite aux fourrures. Et c'est là que les lois contre la traite avec les Américains, là, il y avait l'American Fur Company qui s'avait établi au long du Pembina, la traite entre un et l'autre. Disons que si on vivrait dans ce temps-là, moi, je pourrais pas vous demander d'aller faire la traite pour moi pour une journée, d'abord par rapport que les animaux que vous auriez poignés dans mes trappes vous appartenaient. Et puis, moi, je pourrais pas les prendre, ça veut dire que c'est à moi. Il y avait la question du commerce dans la colonie au point de vue des magasins, des gens qui voulaient faire la compétition contre la colonie. Il y avait aussi été établi un petit village à Saint-François-Xavier. Aujourd'hui, on appelait ça Grand Town dans ce temps-là. Et puis, c'était pour servir comme modèle dans lequel les Métis pourront vivre et arrêter cette affaire d'aller chercher la chasse aux bisons tout le temps. D'abord, la compagnie voulait qu'ils deviennent agriculteurs. Et puis de là, ben, ils pourront acheter de la compagnie et puis en même temps se mettre en dette pour le restant de leur jour. Et le village de Grand Town a vécu, donc, mais vraiment, c'était un assez par la compagnie d'avoir les métis restés à la maison. Mais qu'est-ce qui arrivait? C'est les autres mettaient leur récolte au printemps, puis là, c'était le temps de faire la moisson, c'était aussi le temps d'aller à la chasse aux bisons, puis ils partaient à la chasse aux bisons. Donc, cette expérience pour donner des racines agricoles un peu plus profondes aux métis n'a pas réussi. Ça se passait à quel moment, M. Lucier? En durant 1821, aller à 1840. Là, il faut comprendre mais que les métis anglais, les country-born, eux autres, eux travaillaient pour la compagnie au point de vue de fretteurs, ou bien, ils allaient faire les démarches, eux, pour faire la traite des Indiens dans le Mackenzie, tous ces coins-là. Il y avait deux groupes, hein. Il y avait des métis français qui faisaient la chasse aux bisons, puis il y avait des métis anglophones, eux, qui travaillaient pour la compagnie. Est-ce que les métis anglophones ont pris des racines agricoles, se sont donné des villages plus rapidement que les métis francophones, M. Lucier? Ils se sont donné des villages, disons que, si on regarde la carte en 1870, on peut voir la distinction. Lorsque la rivière Rouge se rencontre, ou la rivière Assinimoine se rencontre avec la rivière Rouge, au sud, disons que la rivière Rouge va du nord au sud, on voit les villages métis francophones. Puis au nord de la fourche là, des deux, on voit les villages anglophones, disons les Kildonans et tout ça. Et puis, la rivière Rouge est divisée par deux divisions. Une, c'est la langue, puis l'autre, c'est la religion. Comme ça, les métis catholiques français, on peut les trouver au sud, au sud-est de la province. La seule chose différente, c'est qu'il y a un groupe qui sont à Saint-François-Xavier, à l'ouest. Au nord, c'est tous des métis anglophones ou écossais. Dans les guerres économiques des années 1830, est-ce que vraiment il y a violence, M. Lucier? Il y a violence au point de vue qu'il y a un type nommé Saint-Denis ou Denis, qui a été flagellé au public pour démontrer que la compagnie avait l'autorité dans la Rivière Rouge. À part de ça, on n'a pas de violence. Mais quelle forme prennent ces guerres économiques alors, M. Lucier? Les guerres économiques, c'est envers les métis puis envers la compagnie, c'est tout toujours basé sur la question de la monopolie de la compagnie. Puis on essaie d'essayer de casser la monopolie pour avoir le droit de vendre son produit à quelqu'un qui va lui donner le meilleur profit. Thank you. Le monopole de la compagnie de la baie d'Hudson, dont nous parlait M. Lucier il y a un moment, il ne va pas durer bien longtemps encore. Les pressions des États-Unis, les pressions des Métis, et le fait que la Grande-Bretagne n'est plus tout à fait sûre que la compagnie de la baie d'Hudson peut contenir l'invasion des Américains et garder ce territoire sous juridiction britannique, tout cela va être porteur de changements. Dans la prochaine émission, nous examinerons comment la socio-économie canadienne va prendre de l'expansion dans l'après-1840, dans la foulée du grand commerce mondial, et comment la nouvelle province du Canada, qui a résulté de l'union du Haut-Canada et du Bas-Canada, comment cette nouvelle province va vivre cette période de développement économique. Les personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Wayne Smith. Conseiller musical, Martin Paget. À la technique, Jean-Claude Dufault. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrec. Thank you.